Tortoline et Arbatax tous les mardis de 17h à 18h sur Radio Panique. Bonjour, bienvenue tout le monde, vous écoutez Tortoli et Arbatax, vous écoutez Radio Panique. Salut. Vous écoutez le 105.4 Salut. FM. Salut. Salut à tous. Salut. Aujourd'hui il y a du monde. T'as dit Arbatax au fait, J'ai dit il est là. Ok, non, désolé. Il est là, moi-même Tortoli, on reçoit une pléiade d'invités. Il y a... Il y a des co-animateurs, et il y a des invités par téléphone. T'as dit qu'il y avait Arbatax. Il est là. T'as dit, ok. Il est là, mais s'il continue, je vais lui couper le micro. Non, bah, c'est la première fois que je suis avec autant de monde ici, on peut présenter, faire un petit tour de table. Donc moi ici dans les studios, Tortoli dans son aquarium, et dans les studios, on a ici Chloé. Salut, oui. Chloé. Salut à tous. Bienvenue. Bienvenue à vous aussi. Tu tiens droite, hein. À nos auditeurs. Salut, quand t'arrives chez Tortoli Arbatax, ouais, ouais, ça ouais. Fait quoi? Ouais, bah ça calme. C'est calme, hein. Ah ouais, ouais. Les boules. Ouais, vous êtes marrants, mais c'est, en fait, c'est très sérieux. Évidemment, il y a du boulot derrière tout ça. Charlotte. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien, très voilà. Bien. Impec. Bienvenue, chers deux collègues de Radio Panique. Et on est là aussi avec les Betty Cyclopes, enfin une partie, je crois. C'est Romain et Paolo. Salut, les gars. Bonsoir. Salut. Donc il manque un acolyte, si j'ai bien compris. Il en manque 4-5, non? 4-5. Il manque 5. Ah, sérieux, en fait. D'accord. En vérité, on est 7 en tout. Ouais. Et donc il manque Elliot, Marine, Thomas, Bini, Naja, et voilà. On leur dit bonjour. Belinda. Linda. Qui a les yeux bleus. Et marron. Bon, on les salue tous, un petit big up, on les verra samedi donc. Oui. Et bon, en attendant, donc vous avez leur parole, j'imagine. Donc on va pouvoir parler de la soirée Radio Panique, en fait c'est ça le fin mot de l'histoire. Ah. Tortoli, ça se passe quand? Rappelle-toi quand on a révisé le jingle. Ça se passe samedi 28 janvier, c'est au Recyclar, c'est à 22h, mais ça ça coûte combien? Ça coûte bon, tout ça, tous ces détails techniques, on aura le temps d'en parler je pense d'ici quelques minutes. On va se lancer par un petit générique. Bon, le petit générique de puisqu'on la semaine. Puisqu'on est nombreux autour de la table et que apparemment il y a quand même des certains intello, on va se lancer un petit générique grosse tête. Radio. Bienvenue à Panique. On est ensemble jusqu'à 18h et on cause de la soirée Panique partie ce samedi. À tout de suite. Panique. Samedi 28 janvier dès 22h, Radio Panique Party Belgian Touch. Avec les Terril, Betty Cyclope, Pierre Elitaire, les DJ Snooba, Atom et Stellaire. Sans oublier la Burn Station, où tu pourras partir avec un CD de ton émission préférée. Projection et atelier photo interactif électrochoc par le collectif Oiseau Sans Tête. Plus d'infos sur www.radiopanique.org. J'attendais le jingle, la deuxième version, la version un peu plus hot. On pouvait pour les auditeurs, on pouvait pas avoir que la version courte. Non, mais plus. Ils sont obligés de réentendre. Ouais, on l'aura plus tard. C'est une technique, c'est pour faire maintenir le suspense. Qu'est-ce qui se passe après .org ? Après, j'aimerais bien le savoir. On verra ça plus tard donc, de retour dans les studios. Ça y est, le générique est passé, c'était pas mal. On s'est cru sur RTL à un moment donné, on s'est cru pousser des ailes. Moi c'est juste un choix par rapport à tout le monde qui est autour de la table. C'est un choix purement intellectuel. Voilà. Alors, on a une petite... Pourquoi est-on réunis tous ensemble ? Je sais pas, est-ce que le jingle n'aurait pas tout dit ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, on peut aller un peu plus loin, d'où cette émission qu'on va explorer pendant une heure cette soirée, qu'on vous a concoctée avec le comité des fêtes de Radio Panique, qui agit depuis quelques temps maintenant, Charlotte, quoi, deux vie. Ans ? Eh bien, il a été créé à l'issue des 25 ans de Radio Panique qui ont été faits donc en 2009, en juin 2009, au Recyclard. Ça veut dire qu'on a 27 ans. Je dirais même 28 parce qu'en fait les 25 ans se sont célébrés dans la 26e année de Radio Panique. Ça, j'ai plus compris là. Anyway, c'est pas très important. Mais toujours est-il qu'il y a une soirée avec une effervescence telle il y a deux ans qu'un comité des fêtes s'est créé à l'issue de cette soirée et depuis on n'arrête pas quoi. Depuis on n'arrête pas. Il y a des mini paniques parties un peu partout dans la ville. Dans tous les sens, multifacettes, pour tous les goûts. Exact. Qui n'a jamais entendu parler de Radio Panique ? D'ailleurs je crois même que Radio Panique est plus connu pour ses soirées que pour la radio en elle-même. Pour ses représentants nocturnes aussi. Hein. C'est ça ouais. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça oui. Exact. Bon, on avait comment on appelle ça, un pilote, une conduite d'émission, les amis. C'est la première fois dans l'émission Tortelier Arbatax, il y a une conduite d'émission. N'hésite pas à mettre des petits tacles, Chloé. Okay, ça va. Et on avait donc prévu d'enchaîner tout de suite et de parler tout de suite du line-up. Parce que ce samedi, on accueille trois groupes au Recyclard. Je le répète, c'est les Terrils, les Betty Cyclope et mon téléphone qui sonne. Peut-être un quatrième groupe qui se prépare. On ne sait pas. Ce sera sympa. Invité surprise. C'est avec Thierry. Belle sonnerie. Rien de pressé. Belle sonnerie en tout cas. Et on disait Pierre Elitaire aussi qui. Voilà, ouais. Qui compte pas live, comme un groupe. Mais qui n'est pas vraiment un groupe. Qui n'est pas un groupe, voilà, c'est ça. Tout seul. Mais qui est peut-être plus qu'un DJ, puisqu'il parle. Ouais, on va en savoir plus bientôt puisqu'on l'a en interview d'ici quelques minutes. Quand même quelques mots sur les Terrils. Ils ont pas pu venir aujourd'hui. Je sais pas si vous connaissez, en fait c'est ce qu'on entend derrière. On peut dire que c'est du blues rock. On peut dire que c'est du blues rock à texte, assez grinçant et visuel. On va entendre d'ici quelques instants un morceau qui s'appelle La Merde. Ces morceaux-là sont issus de... J'avais pas compris ça, moi. Ah. J'ai juste vu La Merde, après je croyais que je me démerdais. Ouais, c'est le nom du morceau. Ah d'accord. L'album s'appelle On n'est pas tendre, il est sorti chez Matamor il y a 2-3 ans. Et, ça va, on est dans l'actu. Mais justement, en fait, ils sont. Donc, j'ai eu Frédéric, qui est un des membres, puisque les Terrils sont composés de Frédéric Deltendre et de Geoffrey Gohart. Donc, c'est guitare, clavier, voix. Hein. Tu notes, Arbatax ? Tout est noté. Et il me disait que, justement, ce qu'on entend tout ça, c'était il y a deux ans. Aujourd'hui, ils construisent un peu différemment leur musique en faisant soit des musiques seulement instrumental, soit plus des chansons à texte, où ils vont même jusqu'à chanter a cappella. Donc on verra qu'est-ce qui nous attend samedi. Je pense qu'on va avoir un petit mix des deux. En tout cas, je vous invite, on peut écouter, si tu veux bien, Tortoli. Ouais, ça va, je vais le faire. Les Terrils. L'homme à tout faire. Les Terrils, La Merde. C'est comment le titre ? La Merde. Ah d'accord. C'est parti. Yes I, Les Terrils. Des milliards de crottes qui flottent. L'eau jaunie par nos reins. La tête noire. J'y vois même pas ma main. Ah. parti dans les tuyaux. Et en plus, avec de la mono. Dans le trou. Dites, il va où? Ben, à l'égout. Et puis c'est tout. Radio Panique présente. Je te l'avais dit. Allez. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Viens. Tortoli. Viens. Allez, viens. Viens. Allez, viens. Viens. Viens. Allez, viens. Barbatax. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Viens. On est bien. Allez, viens. On est bien, bien, bien, bien, bien. Bien, enfin. Allez, viens. Allez, viens. Regarde tout ce qu'on peut faire. C'est génial, non? Allez, viens! Viens! Yes, I! Et on est de retour aux grosses têtes. Non, pas du tout. Non. Non, non. Oh, je rêve encore. Là, tu fais injure au mec qui a construit cet instru. Je donnerai pas son nom, du coup, par respect, quoi. Sim. Toujours est-il qu'on est de nouveau en direct. Tortoli Arbatax reçoivent une pléiade d'invités. Exact. Les Betty Cyclopes, Charlotte de Love History et Chloé de Ouira Bien qui Ouira le dernier, qui co-anime avec nous cette émission. Ça y est, t'es embauché. Merci de m'accepter. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Que le casting est passé. C'est bon, vous êtes content ? Ouais, il y a aussi le gant de toilette, hein, à ne pas oublier, c'est la nouvelle excroissance de Lo-Fi Stories, le mardi matin. Le mardi matin, 8h30. Tu te fais de la pub. Tant qu'à faire. Là, c'est le dernier. Tant qu'à faire. Gant de toilette. C'est ta dernière phrase. Gant de toilette. Et c'est quand ça ? Le mardi matin à 8h30 du matin. Voilà, vous aurez les humeurs de Charlotte. C'est bon ça. Les billets d'humeur de Charlotte. Très bien. Qu'est-ce qu'on entend maintenant? Alors là, l'instrumental en ce moment, je ne sais pas. Juste avant, c'était donc les Terrils, qui, on le rappelle, seront les premiers à ouvrir le bal ce samedi au Recyclar, soirée panique. Et ce sera les Terrils à partir de 22h30. Mais est-ce qu'on a peut-être un autre artiste? Non, on l'a pas au téléphone. Si, on va l'avoir, mais juste avant de lui parler, on va se passer un petit son. Ouais, alors pour préciser, donc c'est Pierre Elitaire de Radio Central. Des concurrents? Je ne sais pas si c'est un concurrent, je pense plutôt que c'est... une camarade de Radio Panique. Ah. Voilà, donc puisque la thématique de cette soirée, thématique qui fait débat, thématique décriée, thématique dégénérée, c'est la thématique Belgian Touch qui a donc défrayé la chronique au sein des coulisses de Radio Panique. Et donc on s'est dit, quelqu'un de Radio Panique nous a dit, une soirée Belgian Touch sans flamand, c'est pas possible. Et donc est invité Pierre Elitaire, qui est un peu la surprise de la soirée, puisqu'on ne sait pas trop en fait ce que ça va donner, mais à mon avis ça va déménager. Je pense bien. Voilà bien. Donc on va voir, hein, on va mettre un petit morceau maintenant et puis on va essayer de le découvrir ensemble en 5 questions top chrono. Ah ouais, le top 5, très bien, très bien. Quand on l'aura au téléphone, juste après son morceau, Pierre Elitaire, Radio. Centrale, c'est Radio Centrale. Wow. Avec deux A. Pourquoi deux A? Je sais pas. C'est en flamand. On va peut-être pas parler. Il a perdu un A, lui. Il a perdu son triple A. Ah, elle est bonne, celle-là. Culture Panique. Samedi 28 janvier dès 22h, Radio Panique Party Belgian Touch. Avec Léthéril, Betty Cyclope, Pierre Elitaire, les DJ Snooba, Atom et Stellaire. Sans oublier la Burn Station, où tu pourras partir avec un CD de ton émission préférée. Projection et atelier photo interactif électrochoc par le collectif Oiseau Sans Tête. Plus d'infos sur www.radiopanique.org. Il était moins bien le point, regarde. Plus d'infos sur www.radiopanique.org. Ok, ok, alors ce superbe jingle qu'on entend au moins 10 fois par jour sur les ondes de panique. Si c'est ironique, c'est pas drôle. 10 fois dans Tortelier Batax. Bon, je voulais juste faire un aparté que personnellement, parler d'une soirée Belgian Touch avec que des Français autour de la table, ça craint un peu. C'est pour qu'on a mis les grosses têtes. C'est pour ça qu'il n'y a pas Olo de Betty Cyclope parmi nous. Voilà. Bref, donc on va faire vite, on va faire vite, Italo, puisque le temps passe très vite. Alors, est-ce qu'on a Pierre Elitaire en ligne ? Oui, oui. Allô ? Vous m'entendez ? Oui, on peut peut-être mettre un peu plus fort ? Ça, c'est un message pour le technicien. Oui. Ok. Donc, allô Pierre ? Merci. Oui, bonjour, ça va ? Oui, ça va très bien, merci. Ok, alors on va essayer de faire vite. On t'invite là samedi soir au Recyclard pour la grosse soirée Radio Panique. Déjà, est-ce que tu connais Radio Panique ? Parce que toi aussi, t'es radiophile. Nous, en Flandre, on ne connaît pas les ondes. C'est une radio qu'on ne sait pas avoir avec les ondes normales. Donc, pour nous, c'est difficile de les entendre. Et je crois que c'est une radio sur l'Internet, non ? Oui, www.radiopanique.org. Merci Pierre. Tu peux refaire le point .org Mais est-ce que dans l'historique des radios associatives en Belgique, vous connaissez quand même un peu Radio Panique ou pas du tout ? Je connais que dans la partie de la Wallonie, je connais Énergie, je connais la RTBF, je connais Radio 21, les classiques 21, mais les fois que je vais dans les Ardennes, parce que j'ai une petite fille, un filleul dans les Ardennes, alors on met les radios qu'on connaît, mais ici en Flandre, on connaît pas très, très bien Radio Panique. Ok, et donc toi tu œuvres aussi à Radio Centrale ? Oui, on a une radio centrale. Ok. Radio Centrale, c'est une radio qui a ce nom parce qu'on a on a commencé dans Central Station, donc la gare centrale d'Anvers. Ah ouais. Maintenant on est plus loin de là et c'est une radio libre, gauche, à gauche du spectre politique. À gauche du fleuve. Et on passe de la musique de tous les minorités, quoi. Ok, donc c'est un peu une jumelle de Radio Panique, j'imagine. Ouais, je crois que quand je vous comprends un petit peu, on est un peu comparable avec FM Bruxelles qu'on connaissait dans les années 80, Radio Touste et Lagan. Ce sont comme ça des vraies radios. Ok. Comme on dit. Ouais. Voilà, ça c'est des vraies radios. Ah, comme Radio Panique. Et bon alors Pierre Elitaire, si tu devais un peu présenter ce que tu fais, parce que je crois que tu as quand même plusieurs facettes, tu es assez connu, en tout cas nous on nous a parlé de toi pour tes performances en live ou en mix, alors si tu devais un peu définir ce que tu fais en prestation. J'ai un programme donc à la radio, ça, je fais déjà pendant 30 ans, je suis disjockey pendant 35 ans, donc je suis un petit vieux quand même. Je passe de la musique, le dernier temps je passe beaucoup de la musique française, et la musique française, la musique wallonne, sous nos ondes flamandes. Oh. C'est un peu le schisme en Flandre-Wallonie, donc j'essaye de mettre une frontière là contre. C'est pour ça que j'organise chaque année le 14 juillet exactement. À Anvers. Et alors on passe que de la musique française, ça ce sont les choses que je fais le dernier temps, mais au fond j'ai commencé dans les années 70 avec du disco, et dans les années 80 avec la nouvelle vague, à la fin des années 80, c'est un peu ça que je vais faire à votre soirée. Je passais de la musique house et surtout de la musique acide et de la musique new beat. Et là, je suis un peu un des derniers résidus du la grande boom new beat belge, comment on dirait, C'était plutôt ouais, dans les grandes discothèques, là, le Boccaccio à Gand, Miramar, comment ça s'appelait à Bruxelles. Mirano, oui. Ouais. Pas très loin de chez nous ici. Donc ça c'était mes boîtes dans les années 80. Donc ce que je voudrais faire pour votre soirée, c'est une... Je vais essayer de repasser l'ambiance qu'on avait dans ce temps-là. Donc je vais passer que de la musique de 1987 jusqu'à 1990. C'est cette période où la musique électronique était en hausse en Flandre et en Wallonie. Il y aura donc des découvertes pour pas mal de monde, j'imagine. Mais tu peux passer de la musique française aussi, Pierre, si tu veux. N'hésite pas. Hein. Oui, mais ça ce serait alors pour une autre soirée. Ça, je veux il faut faire aussi en Wallonie, parce qu'ils n'ont jamais passé ça à Bruxelles. En Wallonie, dans des tentes blanches, comme ça, avec des bières voilà. Dans les Ardennes. Mais jamais, pléonasme. À Bruxelles, on a aussi la soirée Gainsbourg chaque année. Ah, ouais. C'est chaque fois, c'est qui font... deux semaines avant ou deux semaines après qu'il est mort, on passe dans une très grande salle des films, des dishockeys qui viennent de partout, et on passe que de la musique de Gainsbourg et tous ses acolytes, les nanas qu'il a baisées et tout ça. Voilà. On passe comme danse. Ça, c'est une fois par an à en faire aussi. Ok, bon, on va suivre ça. Mais donc, pour revenir à samedi, donc tu vas nous faire un mix à Acid New Beat. Je crois que tu utilises aussi un micro quand tu mixes. Enfin, Oui, on m'avait demandé que je me présente au début et à la fin, j'explique un peu ce que je vais faire. Mais normalement, une soirée d'acid house music, c'est mixé, c'est un long trip. On parle pas, quoi. Hein ouais. On parle pas. Parce qu'on a vu quand même des vidéos de toi sur. On a vu des vidéos de toi sur YouTube où t'avais l'air quand même assez présent sur scène. Oui, je me suis aussi présenté sur scène live, mais je savais pas bien ce qu'on voulait de moi. J'ai un peu l'impression qu'on veut de moi un DJ set. Écoute, nous on est pour du live. Hein. On veut une performance. En tout cas, t'es indiqué parmi les lives hein, lors de la soirée. Je veux aussi une partie. Alors, je vais emmener mes. Amène tous tes micros. Instruments. Ah, avec plaisir. Ouais. J'ai aussi encore les instruments de l'époque. Scoop. Et ce sont des tout petits. Je sais pas si savent ça accorder ça. Ce sont des tout petits machins, bassline et drumatics. C'était des instruments de Roland. C'était la marque japonaise qui faisait qui était inventée pour mettre votre guitare stamen. Amplifié. En tout cas, on va trouver les câbles, Pierre. On va trouver les câbles et tu vas nous faire un live avec les petits instruments entre 1987 et 1990. Ça met l'eau à la bouche. Ouh. Et bon, c'est une soirée. Enfin, là, tu nous dis donc, pour revenir à nos moutons, tu vas faire une sélection Acid New Beat, etc. Pour pas mal de gens, la New Beat, c'est la marque de fabrique de la Belgique. Pour certains, c'est la fierté de la scène belge. Pour d'autres, c'est un peu la honte. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Je vais peut-être un peu passer les trucs qui sont quand même clés, pas en Flandre, mais surtout en Wallonie. Mm-hmm. Et on a fait donc Van den Boynans, le ministre qui était kidnappé. Oui. Et alors, il a donné une conférence de presse où on avait retrouvé sa pipe, quelque chose comme ça. Et on a samplé son discours de presse. Et on a mis ça sur un beat. Oui. Et il y a quelques versions de VDB, Je ne vais pas crever. Qu'est-ce qui avait fait ce morceau déjà Peut-être que je vais passer ça aussi. Si ok, très bien. Alors, dernière question, enfin encore deux questions. C'est une soirée qu'on a définie comme Belgian Touch. Alors toi, en tant qu'Anversois, est-ce que tu crois à la Belgian Touch, en tout cas au niveau de la scène musicale? Ah oui, mais ça, c'est, je crois que j'ai quand même assez expliqué. Moi, je suis absolument unitariste belge. Ça existe encore en Flandre, même quand on entend dans la presse parfois des choses terribles. Moi, j'essaye quand même avec... En passant des soirées françaises avec la musique de la Wallonie et de la France et du Canada et de la Suisse. Le canevas de montrer qu'il y a encore des autres flamands qui ne sont pas Bart de Wever. Tant mieux. Mais dans le style musical, dans l'énergie qu'on peut trouver dans les soirées, par exemple, toi tu me dis que tu as beaucoup été au Boccaccio, Mirano, etc. Est-ce que pour toi il y a un type d'ambiance idéale, un type d'ambiance type qu'on peut retrouver que en Belgique En trois mots. Non, je rigole. Ça, c'est difficile. En trois mots, oui. Non plus. Donc une ambiance qu'on ne trouve pas ailleurs dans les pays ouais. voisins. Oui. Eh bien, on avait ça dans les années 80, on avait ça dans les années 70. Je manque ça un petit peu maintenant. Je trouve que tout est assez américanisé, que tout le monde avec les disjockeys avec des laptops qui ont téléchargé leur musique illégalement et qui regardent sur l'Internet, comment on fait ça ailleurs. Et là, on a quand même une sorte de nivellation vers le bas, où on trouve quand même que les disjockeys de maintenant regardent surtout ailleurs et qui font une ambiance qu'on pourrait retrouver quand on va en vacances ailleurs. Le typique Belgian beat ou quelque chose qui est... qu'on se sent vraiment... Maintenant, on est en train de danser dans un endroit qui est typiquement belge, ça, je trouve que je manque les derniers décennies. D'accord. Et au niveau du public, par exemple, c'est quoi le public idéal pour toi par rapport au set que tu fais ou le public auquel tu t'attendrais samedi soir pour que ce soit l'extase totale? Je ne sais pas ce que c'est la première fois que je vais tourner pour vous. Quel âge à peu près tu veux? Un public assez divers. Diverses avec des jeunes qui ont le temps pour sortir, qui n'ont pas encore des enfants et qui vont découvrir une musique peut-être de leurs parents quand ils sont sortis dans ces boîtes-là, ou bien qui vont découvrir une musique qui est tellement con, parce que c'est la new beat, c'était une musique débile, très facile. Ils vont peut-être trouver ça trop facile, trop simple. Et pour les gens plus âgés, alors je crois qu'il y a peut-être, j'espère quand même, des gens entre 40 et... Oui, t'inquiète pas. Il y aura des vieux célibataires. Des cougars. Ils vont avoir la possibilité d'entendre encore des trucs où ils vont dire où est-ce qu'il a encore trouvé ça. Ah, on espère. On espère. Il y a moyen de choper, si je comprends bien. C'est bon, ça. Quelque chose... ça c'est amusant, ça sont mes routes de sortie, ça sont mais j'ai jamais plus entendu ça. Donc je vais essayer de trouver dans ma collection un peu des tubes clés. Ok, très bien. Et on espère que... pas facilement sur CD, surtout, pas sur Internet, quoi. Ok. Impur. Et on espère que ce sera complètement décadent aussi, hein, parce que c'est ça qui compte avant tout. C'est ça la Belgian Touch au final. Ouais. Merci, merci. En tout cas, merci Pierre. On peut plus trop rester, mais on se voit samedi. À samedi. Et merci pour l'interview. Et à samedi alors. Tot zaterdag. Merci Pierre. Salut à samedi. Merci. Salut. Allez. Et ben voilà. Ah, c'était un direct d'Anvers. Je sais pas vous, mais moi ça a attisé un peu ma curiosité toutes ces explications là. À fond, ça donne envie de le voir sur scène. Ça a l'air très très recherché, très. Il y a quand même un esprit quoi. Bah le dinosaure de la New Beat, ouais, ça a l'air quand même. Le dinosaure de la New Beat, ça ouais. A l'air quand même assez curieux. Ça va être mythique. Bah, si vous avez envie de voir ça, c'est Recyclard, hein, c'est samedi. Bah ce sera surtout une soirée polyfacétique. Il faut le dire. Hein. Tu devais le placer ce mot. C'est très important. C'était quoi polyfacétique. Oui, c'est très important. Et sur ce, je vous laisse car j'ai un bus à prendre. Salut. Salut Charlotte. Bonne piscine. Tu vas à la piscine, tu vas où? Peu importe, on va mettre un jingle. Tortoni et Arbatax. La différence. Oh yeah, I used to know Quinnen. He's a real. De retour donc dans les studios de Radio Panique, nous écoutons. Ou plutôt vous écoutez Radio Panique sur le 105.4 ou sur le www.radiopanique.org. L'émission s'appelle Tortoyer Arbatax, c'est une émission spéciale friture puisque c'est un événement qui aura lieu ce samedi 28 janvier au Recyclard et nous sommes accompagnés de Chloé, oui, d'Arbatax. Yes I. Et on va passer à nos invités Paolo et Romain qui sont venus représenter Betty Cyclope aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, introduire l'univers? Je pense que ça a à peu près rien à voir avec ce qu'on entend derrière, mais. Tu veux dire que c'est mal choisi? Non, je veux dire que chacun fait ce qu'il veut, hein, mais. On est cohérent ou on l'est pas. La conduite n'était pas très propre. D'où vient. Attends, tu veux dire la conduite que j'ai tapée et imprimée? D'où vient votre univers, Betty Cyclope? C'est assez particulier ce que vous proposez. Ouais. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? C'est plusieurs choses à la fois. C'est tout d'abord plusieurs personnes à forte personnalité et à forte couleur qui se retrouvent pour s'amuser ensemble d'abord et puis raconter des histoires éventuellement. Et tout ça s'articule autour d'un imaginaire fort qui raconte des histoires, celle de Betty Cyclope, et c'est Paolo qui va en parler. C'est un personnage en fait. Oui, en deux mots, c'est un personnage, Betty Cyclope. Ah, ok. Betty, B-E-T-I, c'est un personnage qui vit dans les mondes espiègles, qui est un quadrant imaginaire de notre galaxie, où il y a des tas de planètes, etc. Puis autour de cette partie-là de création, il y a des tas d'imaginaires qui sont venus se greffer. Okay. Et c'est comme ça que petit à petit, on a écrit des chansons et on a construit un univers qui s'étend au-delà de ces mondes de base, de ces planètes de base. Pas mal. Et voilà, et maintenant ça dégouline dans tous les sens. Oui, chacun vient rajouter son imaginaire. Son petit grain de folie. Et puis on fait un grand bordel avec. Ouais. Alors on s'est défini notamment comme théâtral queer punk. Vous vous reconnaissez dans ces trois mots? Théâtral queer punk? Oui, entre autres. On se produit sous forme de personnages qui racontent des choses un peu farfelues. Alors déjà au niveau de la présence sur scène, oui, ça peut sembler théâtral. Ah oui, je suis passé près du micro. Oula, on en a réveillé un. Excusez-moi. Excusez-moi, j'étais là. Je parlais pas d'un gars dans les studios, mais. Oui, donc tu disais la présence sur scène, les personnages. La présence sur scène d'abord, et puis on est connoté théâtre parce qu'on a produit un mini-spectacle qui s'appelait Horse Pony Ride 2 versus Mortal Caniche, où on avait un petit décor avec une fenêtre et une porte en tissu. Et alors, ça se passait devant un cimetière chez une horrible styliste qui retenait prisonnier de gentils visiteurs égarés. Et voilà, on se rappelle de nous avec cette petite version théâtralisée d'une mini-opérette miniature, je dirais même, un peu punk, ouais, en effet. Justement, ouais, j'avais vu aussi, moi, opéra punk, c'est ce qu'il y a aussi, ce qu'on peut trouver sur vous quand on vous cherche sur Google, c'est opéra punk. Il semblerait aussi, comme ça qu'il est le moins difficile de nous définir. Pas mal, pas mal. Et queer, c'est quoi? C'est vous vous intéressez à... Quid de queer? À l'univers queer, c'est un univers particulier, si vous pouvez en dire quelques mots. Là, on vient d'avoir, je ne sais pas si vous y avez participé, il y avait une programmation transversale sur le genre pendant un mois sur Radio Panique en décembre. On est au courant, oui. Ouais, vous avez participé ou vous avez écouté? Pas personnellement, non. D'accord. Mmh. Et alors queer, pourquoi? C'est quoi? Et en quoi on va le sentir ou pas le queer. Si ça tenait qu'à moi, je définirais ce qu'on est de manière beaucoup plus large encore et plus délirante. Après, c'est les mots qu'on a sous la main. Donc ouais, on est queer par essence parce qu'on... Donc queer, c'est le fait qu'on est tous des gods. Il y a cette idée, non? Enfin, c'est l'idée de jouer avec les genres aussi, non? De jouer avec les genres, mais il y a aussi un aspect très physique aussi. En tout cas, on en a tous un aperçu différent de cette notion. Elle est très large, très culturée maintenant, très politique, etc. Et personnellement, moi, ce qui m'intéresse dans la notion, c'est le fait que je me définis pas précisément. Mm-hmm. que de manière générale, dans les Bétis, on est des personnes changeantes et mouvantes qui n'aimeront pas nous définir de façon précise et certainement pas par rapport à ce qui existe et qui est mis en avant la plupart du temps, le reste du temps. Parce que là, samedi, on peut s'attendre à, du coup, là, vous, tout à l'heure, vous parliez d'un show assez théâtral, opéra. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une mise en scène Oui, c'est très visuel aussi ce que vous faites. Pour donner une petite idée sur scène. Oui, enfin, là, ce sera une version concert assez simple, mais c'est vrai qu'au niveau des personnages et de leurs couleurs et de ce qu'ils véhiculent au niveau des identités, c'est assez farfelu. Donc déjà, ça fait un peu le spectacle. Si on comprend le français et qu'on écoute les paroles des chansons, elles ont toutes une histoire bien singulière qui peut créer un voyage, là, si on écoute bien. Et alors, c'est quoi vos personnages, Paolo et Romain? Vous dites qu'ils sont changeants, ils en sont où, là, cette semaine? Où? Alors, moi, j'en ai enfermé certains dans une petite pièce aujourd'hui parce qu'ils étaient hystériques. Ils tenaient plus. Et puis, je suis venu sans eux. Alors, ça sera une surprise, là, c'est à chaque fois quasiment un nouveau. Là, je sais vous changez à chaque fois de personnage. À quoi il va ressembler totalement samedi. Ça sera une surprise pour moi aussi, je crois. Ouais. Très, très bon. Oui, on change de personnage, en effet. Moi, j'en ai deux principaux. Un qui s'appelle Pirlire, qui est un petit garçon. Et un autre qui s'appelle Shaolo, qui est un chat. Voilà. Et puis, c'est le même personnage qui mute d'un concert à l'autre. Très bon. On découvre un peu l'univers. On va revenir dans une deuxième partie de l'interview sur la musique. En attendant, on peut peut-être écouter un des morceaux de Betty Cyclope. Ah ouais, ça serait vraiment une bonne idée. Franchement, Tortoli, si tu pouvais passer un morceau de Betty Cyclope. Je vais le faire, on va se passer Barbara Gould. Sinon, on pensait à un morceau qui s'appelle Sombre Histoire. C'est un morceau qu'avaient proposé Romain et Paolo. C'est du vinyle. J'arrive. J'ai besoin d'un stagiaire. Allez. Ah d'accord. Pourquoi d'ailleurs? Enfin oui, vous on avez. On va pouvoir poser de la chanson. Oui, de la chanson. Ben particulièrement parce qu'on vient d'achever le tournage d'un clip avec des amis russes et qu'éventuellement, si on s'y prend encore assez bien, on pourra le projeter le samedi avant le concert ou après. On va y arriver, on va y arriver. Oui, ce serait bien. Et du coup voilà, c'était. Pierre Elitter et ses machines, Betty Cyclope et sa projection. Ouais. On prend des notes pendant cette émission, Julien. Là, je compte sur toi à la technique. Oui, exactement. T'as dit mon prénom, ça fait plaisir. Aïe. T'es démasqué. Oh là là. Ok, on écoute. Est-ce que l'assistant est prêt? L'assistant avec sa jambe de bois est prête. Sombre histoire. Sombre histoire et sa je préfère un repère au lieu des larmes la lumière, mais qu'est-ce que je peux y faire? Je sais que mon cœur. imaginer le pire. Les autres sont là pour croiser les doigts. Moi je verse des larmes sur l'avenir en Panique. Samedi 28 janvier dès 22h, Radio Panique Party Belgian Touch. Avec l'Ethéril, Betty Cyclope, Pierre Elitaire, les DJ Snooba, Atom et Stellaire. Sans oublier la Burn Station, tu pourras partir avec un CD de ton émission préférée. Projection et atelier photo interactif électrochoc par le collectif Oiseau sans tête. Plus d'infos sur www.radiopanique.org. Il était moins bien le .org, tu peux le refaire. Plus d'infos sur www.radiopanique.org. Ok, retour avec Betty Cyclope dans Tortolier Batax. Oui, bienvenue, bienvenue à tous. Alors, on vient d'entendre un de vos morceaux hein, qui est issu, donc c'était le morceau Sombre Histoire, issu de votre premier album qui s'appelle Borgne Poussière, qui est sorti en avril 2011. Mm-hmm. Alors que vous existez depuis quelques années en fait. Depuis plus de 10 ans. Et ouais, c'est ça. Mmh. Alors bah, pourquoi autant de temps avant de sortir un album? Est-ce que voilà, ça faisait pas partie de vos priorités? Ben, ça nous a toujours bien fait envie si d'enregistrer nos morceaux, etc. Et puis ceci dit, on a passé beaucoup de temps à faire des concerts, à organiser des tournées, etc. Du coup, ça s'est pas présenté en premier. Et puis là, ça découle d'une invitation, en fait, l'enregistrement de cet album. À vrai dire, c'est un cadeau qu'on a reçu à la fin d'un concert en Mayenne pour l'anniversaire d'un ami. Et puis d'autres amis, dont Olivier des Binamé, nous ont proposé d'enregistrer un album. Et on l'a fait. Bien. J'ai mal prononcé, je répète, on l'a fait. Wow. Donc vous avez tourné. Vous êtes plutôt un groupe de scène. Vous venez de dire vous avez tourné, et en France un peu aussi donc. Dans plusieurs pays, la France, un peu en France, un peu en Suisse, un peu en Hollande. Ouais. Et voilà, pas beaucoup plus loin pour l'instant. Et comment vous avez envisagé l'album du coup par rapport à cet aspect plus visuel, théâtral, est très présent scénique finalement là bon, ça vous demande à vous mettre dans une autre position. Alors on a les chansons sur le vinyle, mais il est accompagné d'un livret géant de 36 pages où on a pu montrer des photos de nos personnages sur scène et hors scène, avec l'imagerie qui va avec notre univers. Et là, alors à travers ça, on peut faire passer le côté image du groupe. Qui fait le dessin? Tout le monde dessine, tout le monde écrit. C'est ça, j'ai l'impression que voilà, il y a polyfacette. Vous êtes très créatif. Vous êtes polyfacette, comme franchement Charlotte. Vous êtes tous musiciens aussi, ou certains s'improvisent C'est plutôt ça, oui. Disons qu'on a tendance. Il y a des gens dans le groupe qui ont des connaissances poussées de certains instruments. Après, au-delà de ça, de façon générale, on s'improvise des rôles par rapport à ce qu'on a envie de créer. Apprend les uns des autres aussi. Voilà. En le faisant avec. Alors normalement, on serait panique, on demande les diplômes, hein. Mais ça sera peut-être un problème, des emballages de chocolat ou de bonbons à la place. On peut créer des diplômes aussi. Aïe. Vous avez évoqué Binamé, René Binamé, qui est une figure phare de la scène punk à Bruxelles. Ouais. On vous retrouve. René La Taupe. On vous retrouve. Trouve, voilà, Arbatax. Ferme-la. Mais ouais. Et on a tous une culture. On vous identifie à une même scène, qui est la scène DI, Do It Yourself. Vous vous reconnaissez là-dedans aussi? Oui, d'autant plus que on est beaucoup à se connaître là-dedans. C'est un peu une grande famille. Là, Olivier Debinamé, bon, on le connaît, c'est aussi un ami. Mais il y a aussi tout un tas d'autres gens qui font partie de la même famille, qu'on peut reconnaître même de temps en temps en écoutant ce qu'ils font, parce que on vit des choses ensemble, donc ça transparaît dans notre travail. Il y a comme le Mammouth, les Pertes Noires, le Crête et pas Crête, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et au niveau de la Belgitude dont on parlait tantôt, qui a beaucoup fait controverse à Radio Panique, mais on a été déjà un peu rassuré par Pierre Elita, hein, qui ou pas, qui a revendiqué une certaine Belgitude. Évidemment. Vous, Becky Cyclope, vous identifiez clairement comme un groupe belge. Donc toi, Romain, tu es français, mais ça fait longtemps maintenant que tu habites en Belgique. Ouais. Paolo, tu es belge, mais d'origine italienne. Mmh. Comment on vous a invité. Est-ce que vous trouvez ça judicieux par rapport à question oui, orientée, vous j'ai l'impression. Ben, on a un côté très belge dans ce qu'on fait. Parce qu'il y a quand même quelques Belges dans le groupe, et du coup ça finit par s'entendre également parce que c'est principalement les chanteurs, chanteuses. Et le petit côté surréaliste peut-être, non ? Le côté surréaliste, mais qu'on partage aussi avec des amis d'ailleurs en Europe. Et, oui, bien sûr. Ah oui. Et donc pour moi, fait pas vraiment partie d'une circonscription vraiment belge. Oui, non, c'est plus facile de vivre son surréalisme quand on vient de la France en Belgique que l'inverse, par exemple. Oui, c'est sûr que le... Oh ouais. Putain, attends. Attends, je remets ça de... C'est en train de faire son petit bout de chemin. Prenez une feuille, vous avez deux heures. Allez-y. Ouais, d'accord. Non, si. Je ne peux pas en dire c'était plus. C'était mon cerveau qui se lançait et là, c'est bon, il est chaud. Très bon, Betty Cyclope, on vous retrouve samedi sur la scène du Recyclard pour la prochaine friture Panic Party. Tu vas pas le dire, Arbatax, un peu friture. Point orgue. Ouais. J'adore le jingle. Friture. Merci d'être venu représenter les Betty Cyclope. Merci à vous. Avec plaisir. Merci. Et merci aux Betty Cyclope qui sont pas là. Ouais, on salue le reste du groupe. On a oublié de vous demander ce que vous vouliez en backstage comme petite. Alcool de poids, etc. Vous pouvez tout demander, les gars. Ah oui, on avait. C'est free. Hein. Il y a eu des demandes spéciales. On en parlera hors antenne alors. Ah, hors antenne, très bien. Ouais. Très, très bien. Et puis, on va passer avec les quelques minutes qui nous restent. Alors, on va passer quoi? On va passer des propositions des DJ. Donc, trois DJ. Made in Radio Panique. Ouais. Trois DJ. Assureront un petit peu l'after, en fait. De Panique, ouais. Des dinosaures, on peut les appeler comme ça. À partir d'une heure et demie du matin. Snooba, DJ Atom et Stellar. Comme tu sens, Tortoli. On va commencer par un petit Snooba, enfin une proposition de Snooba, puisqu'il ne fait pas de production, mais c'est une proposition qu'on pourra expliquer juste derrière. Ouais. Ça s'appelle Soukous, Pépé, Calé, et c'est des Congolais. Écoutez ça, Soukous. Allez, on se rejoint juste après ça pour la fin de l'émission. Snooba, à toi. Pas très belle. Idaya. Idaya, wow. Chicago. Hapa Tanzania nimepoteza mkanda wa kiuno nitarudi nitafute nisho sio ni masi sio zangu ni shaba ya usajili jina lake Idaya. Kama kule Arusha, sijui, kama kule C'est donc une secousse congolaise qui nous a été proposée par Serge Snouba, qui réalise les émissions Contrebande chaque lundi, lundi soir. Et voilà, là on va passer à Atom, une de ses propositions. Ça s'appelle Transpiration. Dans les studios de Radio Panique pour finir hein, en quelques mots sur cette soirée Panique. On a fait le tour un peu des lives, des DJ. Merci pour leur sélection à Snouba et à Tom. Ouais, très bon. Les deux DJ qui passeront donc après les lives, après 2h du matin. Il y aura Snouba, Stellaire et Atom. Là, on vous a passé juste avant, c'était Atom avec le titre iCube, ou plutôt c'est le nom de l'artiste, et le titre c'est Transpiration. Très bon. À noter aussi d'autres propositions, notamment le collectif OST qui sera là. C'est un collectif franco-belge. Et les oiseaux sans tête. Ouais. Exact. Les oiseaux sans tête, et ils vont nous proposer un atelier électrochoc. Vous allez en prendre plein le sang. C'est photographique. C'est photographique. Petit indice. Donc il y aura moyen de repartir de avec photographier ta photo et de se faire électrocuter en même temps, donc concept sympathique. Soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Il y aura aussi Tortelier Herbatax dans les toilettes. On organise une petite sauterie musicale aussi dans les toilettes, une avec pas mal de potes animateurs de la radio. On va sélectionner de la musique qui sera parfaitement appropriée pour cet endroit. Et puis quoi d'autre? Et puis voilà, il t'en coûtera 7 euros. Il n'y a pas de place à gagner ce soir, raté. Voilà, toi qui as écouté l'émission, toi qui as écouté l'émission attentivement pour attendre le moment. Non, voilà, on répète, 22h jusqu'à 5h du mat. On est bien. Il y a Djibouti qui s'installe tranquillement. Péniblement. Ouais, y a... Chute de vélo. Ils sont toujours pénibles, ouais, ces gens-là. Chute de vélo pour Djibouti. On est un peu désolé pour les auditeurs de Tortulière Batax qui attendaient quand même l'expression de la semaine avec impatience, j'en suis sûr. Mais ça n'est que partie remise pour mon cher Batax qui aura le temps une semaine de plus pour réfléchir à une idée bien meilleure que celle qui m'avait glissée avant l'émission. Cause toujours. m'intéresses. Quant aux Français de la semaine, je crois que... C'est pareil, c'est reporté. Hein. Ouais, et puis on a bien représenté ce soir, voilà, quand même. Voilà, je pense que... Ouais. Voilà. C'est les Français de la semaine, vous êtes là. Allez, on se quitte et on laisse la place à Djibouti qui reprend les ondes de Radio Panique à 18h, c'est-à-dire en ce moment même. Juste le temps de s'écouter peut-être Bonne année des Betty Cyclope, un petit morceau de transition. Un extrait. Un petit extrait, ah ouais. Tortoli, oui, je suis sûr que tu vas le trouver, t'inquiète pas. Betty Cyclope, bonne année, ça s'écrit avec un B. À samedi tout le monde. Salut à tous, allez. Les coups durs de la vie et les vagues de mépris ont mis leurs beaux habits, les débris sont décorés en casque doré, des animaux de société ouvrent les festivités. Bonne année, par pitié, bonne année.